Chapitre 6e. Un an après cet événement, dans une chambre d'un hôtel garni situé rue du Boulois à Paris, dans le quartier des Diligences, une jeune fille en deuil était assise près d'une table au coin du feu. Sur cette table était une bouteille de vin d'ordinaire, à moitié vide, et un verre. Un homme courbé par l'âge, mais d'une physionomie ouverte et franche, vêtu à peu près comme un ouvrier, se promenait à grands pas dans la chambre. De temps en temps, il s'approchait de la jeune fille, s'arrêtait devant elle et la regardait d'un air presque paternel. La jeune fille alors étendait le bras, soulevait la bouteille avec un empressement mêlé d'une sorte de répugnance involontaire et remplissait le verre. Le vieillard buvait un petit coup puis recommençait à marcher, tout en gesticulant d'une façon singulière et presque ridicule, pendant que la jeune fille, souriant d'un air triste, suivait ses mouvements avec attention. Il eût été difficile à qui se fût trouvé là de deviner quelles étaient ces deux personnes. L'une, immobile, froide, parée au marbre, mais pleine de grâce et de distinction, portant sur son visage et dans ses moindres gestes plus que ce qu'on appelle ordinairement la beauté. L'autre, d'une apparence tout à fait vulgaire, les habits en désordre, le chapeau sur la tête, buvant du gros vin de cabaret, et faisant résonner sur le parquet les clous de ses souliers. C'était un étrange contraste. Ces deux personnes étaient pourtant liées par une amitié bien vive et bien tendre. C'était Camille et l'oncle Giraud. Le digne homme était venu à Chardonneux lorsque Madame des Arcis avait été portée d'abord à l'église, puis à sa dernière demeure. Sa mère étant morte et son père absent, la pauvre enfant se trouvait alors absolument seule en ce monde. Le chevalier, ayant une fois quitté sa maison, distrait par son voyage, appelé par ses affaires et obligé de parcourir plusieurs villes de la Hollande, n'avait appris que fort tard la mort de sa femme, en sorte qu'il se passa près d'un mois, pendant lequel Camille resta, pour ainsi dire, orpheline. Il y avait bien, il y avait à la maison, une sorte de gouvernante, qui avait charge de veiller sur la jeune fille, mais la mère de son vivant ne souffrait point de partage. Cet emploi était une sinécure, la gouvernante connaissait à peine Camille, et ne pouvait lui être d'aucun secours dans une pareille circonstance. La douleur de la jeune fille à la mort de sa mère avait été si violente qu'on avait craint longtemps pour ses jours. Lorsque le corps de Madame des Arcis avait été retiré de l'eau et apporté à la maison, Camille accompagnait ce cortège funèbre en poussant des cris de désespoir si déchirants que les gens du pays en avaient presque peur. Il y avait en effet je ne sais quoi d'effrayant dans cet être qu'on était habitué à voir muet, doux et tranquille et qui sortait tout à coup de son silence en présence de la mort. Les sons inarticulés qui s'échappaient de ses lèvres et qu'elle seule n'entendait pas avaient quelque chose de sauvage. Ce n'étaient ni des paroles ni des sanglots, mais une sorte de langage horrible qui semblait inventé par la douleur. Pendant un jour et une nuit, ces cris affreux ne cessèrent de remplir la maison. Camille courait de tous côtés, s'arrachant les cheveux et frappant les murailles. On essaya en vain de l'arrêter. La force même fut inutile. Ce ne fut que la nature épuisée qui la fit enfin tomber au pied du lit où le corps de sa mère était couché. Presque aussitôt, elle avait paru reprendre sa tranquillité accoutumée, et pour ainsi dire tout oublier. Elle était restée quelque temps dans un calme apparent, marchant toute la journée au hasard, d'un pas lent et distrait, ne se refusant à aucun des soins qu'on prenait pour elle. On la croyait revenue à elle-même, et le médecin qui avait été appelé s'y trompa comme tout le monde. Mais une fièvre nerveuse se déclara bientôt avec les plus graves symptômes. Il fallut veiller constamment sur la malade. Sa raison semblait entièrement perdue. C'est alors que l'oncle Giraud avait pris la résolution de venir à tout prix au secours de sa nièce. « Puisqu'elle n'a plus ni père ni mère dans ce moment-ci, avait-il dit aux gens de la maison, je me déclare pour son oncle véritable, chargé de la soigner et d'empêcher qu'il ne lui arrive malheur. Cet enfant m'a toujours plu. J'ai souvent demandé à son père de me la donner pour me faire rire. Je ne veux pas l'en priver, c'est sa fille, mais pour l'instant je m'en empare. À son retour, je la lui rendrai fidèlement. » L'oncle Giraud n'avait pas grande foi au médecin, par une assez bonne raison, c'est qu'il croyait à peine aux maladies, n'ayant jamais lui-même été malade. Une fièvre nerveuse surtout lui paraissait une chimère, un pur dérangement d'idées, qu'un peu de distraction devait guérir. Il s'était donc décidé à amener Camille à Paris. « Vous voyez, disait-il encore, qu'elle a du chagrin, cette enfant. Elle ne fait que pleurer, et elle a raison. Une mère ne vous meurt pas deux fois. mais il ne s'agit pas que la fille s'en aille parce que l'autre vient de partir. Il faut tâcher qu'elle pense à autre chose. On dit que Paris est très bon pour cela. Je ne connais point Paris, moi, ni elle non plus. Ainsi donc, je vais l'y mener, cela nous fera du bien à tous les deux. D'ailleurs, quand ce ne serait que la route, cela ne peut que lui être très bon. J'ai eu de la peine comme un autre, et toutes les fois que j'ai vu sautiller devant moi la queue d'un postillon, cela m'a toujours agaillardi. De cette façon, Camille et son oncle étaient venus à Paris. Le chevalier, instruit de ce voyage par une lettre de l'oncle Giraud, l'approuva. Au retour de sa tournée en Hollande, il avait rapporté à Chardonneux une mélancolie tellement profonde qu'il était presque impossible de voir qui que ce fût, même sa fille. Il semblait vouloir fuir tout être vivant, et cherchait à se fuir lui-même. Presque toujours seul, à cheval dans les bois, il fatiguait son corps outre mesure pour donner quelque repos à son âme. Un chagrin caché, incurable, le dévorait. Il se reprochait au fond du cœur d'avoir rendu sa femme malheureuse pendant sa vie, et d'avoir contribué à sa mort. « Si j'avais été là, se disait-il, elle vivrait, et je devais y être. » Cette pensée qui ne le quittait plus empoisonnait sa vie. Il désirait que Camille fût heureuse. Il était prêt dans l'occasion à faire pour cela les plus grands sacrifices. Sa première idée, en revenant à Chardonneux, avait été d'essayer de remplacer près de sa fille celle qui n'était plus, et de payer avec usure cette dette de cœur qu'il avait contractée. Mais le souvenir de la ressemblance de la mère et de l'enfant lui causait à l'avance une douleur intolérable. C'était en vain qu'il cherchait à se tromper sur ses douleurs mêmes, et qu'il voulait se persuader que ce serait plutôt à ses yeux une consolation, un adoucissement à sa peine, de retrouver ainsi sur un visage aimé les traits de celle qu'il pleurait sans cesse. Camille, malgré tout, était pour lui un reproche vivant, une preuve de sa faute et de son malheur, qu'il ne se sentait pas la force de supporter. L'oncle Giraud n'en pensait pas si long. Il ne songeait qu'à égayer sa nièce et à lui rendre la vie agréable. Malheureusement, ce n'était pas facile. Camille s'était laissée emmener sans résistance, mais elle ne voulait prendre part à aucun des plaisirs que le bonhomme tâchait de lui proposer. Ni promenade, ni fête, ni spectacle ne pouvaient la tenter. Pour toute réponse, elle montrait sa robe noire. Le vieux maître maçon était obstiné. Il avait loué, comme on l'a vu, un appartement garni dans une auberge des messageries, la première qu'un commissionnaire de la rue lui avait indiquée, ne comptant y rester qu'un mois ou deux. Il y était avec Camille depuis près d'un an. Pendant un an, Camille s'était refusée à toutes ses propositions de parties de plaisir, et comme il était en même temps aussi bon et aussi patient qu'entêté, il l'attendait depuis un an sans se plaindre. Il aimait cette pauvre fille de toute son âme, sans qu'il en sût lui-même la cause, par un de ces charmes inexplicables qui attachent la bonté au malheur. « Mais enfin, je ne sais pas, disait-il, tout en achevant sa bouteille, ce qui peut t'empêcher de venir à l'opéra avec moi. Cela coûte fort cher, j'ai le billet dans ma poche. Voilà ton deuil fini d'hier. Tu as deux robes neuves. D'ailleurs, tu n'as qu'à mettre ton capuchon et... » Il s'interrompit. « Diable, dit-il, tu n'entends rien. Je n'y avais pas pensé. Mais qu'importe. Ce n'est pas nécessaire dans ces endroits-là. « Tu n'entends pas, moi, je n'écoute pas. Nous regarderons danser, voilà tout. » Ainsi parlait le bon oncle, qu'il ne pouvait jamais songer, quand il avait quelque chose d'intéressant à dire, que sa nièce ne pouvait l'entendre ni lui répondre. Il causait avec elle malgré lui. D'une autre part, quand il essayait de s'exprimer par signes, c'était encore pire. Elle le comprenait encore moins. Aussi avait-il adopté l'attitude de lui parler comme à tout le monde, en gesticulant, il est vrai, de toutes ses forces. Camille s'était faite à cette pantomime parlante et trouvait moyen d'y répondre à sa façon. Le deuil de Camille venait de finir, en effet, comme le disait le bonhomme. Il avait fait faire de belles robes à sa nièce et les lui présentait d'un air à la fois si tendre et si suppliant qu'elle lui sauta au cou pour le remercier, puis elle se rassit avec la tristesse calme qu'on lui voyait toujours. « Mais ce n'est pas tout, dit l'oncle, il faut les mettre, ces belles robes. » Elles sont faites pour cela, ces robes. Elles sont jolies, ces robes. » Et tout en parlant, il se promenait par la chambre en faisant danser les robes comme des marionnettes. Camille avait assez pleuré pour qu'un moment de joie lui fût permis. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle se leva, se plaça devant son miroir, prit une des deux robes que son oncle lui montrait, le regarda tendrement, lui tendit la main et fit un petit signe de tête pour dire « oui ». À ce signe, Le bonhomme Giraud se mit à sauter comme un enfant avec ses gros souliers. Il triomphait. L'heure était enfin venue où il accomplissait son dessein. Camille allait se parer, sortir avec lui, venir à l'opéra, voir le monde. Il ne se tenait pas d'aise à cette pensée et l'embrassait sa nièce coup sur coup, tout en criant après la femme de chambre, les domestiques, tous les gens de la maison. La toilette achevée, Camille était si belle qu'elle sembla le reconnaître elle-même et sourit à sa propre image. « La voiture est en bas, » dit l'oncle Giraud, tâchant d'imiter avec ses bras le geste d'un cocher qui fouette ses chevaux et avec sa bouche le bruit d'un carrosse. Camille sourit de nouveau, prit la robe de deuil qu'elle venait de quitter, la plia avec soin, la baisa, la mit dans l'armoire et partit.